Jean Bosco, Doui Man. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 1er mars 2018. Voici les grands titres de cette édition. Une quarantaine de familles du quartier Gassengui de la commune Moutimouzi en province de Bujumbura ont de nouveau observé en sit-in devant les bureaux du ministre en charge de l'environnement. Ces personnes réclament toujours des papiers d'attribution des parcelles leur promises dans le site de Maranvia ainsi que des indemnisations sur leurs maisons détruites et leurs propriétés occupées là où est en train d'être érigé le nouveau palais présidentiel. Reportage à suivre dans ce journal. Et deux militaires écopent de la perpétuité et leurs complices dans un meurtre. Une femme a été condamnée à 20 ans de prison ferme. C'est dans un procès de flagrance au tribunal de grande instance de Gitega, après la mort lundi d'un certain Evariste Ngenzi. La sentence a été prononcée tard dans la soirée ce mercredi. Notre correspondant nous donnera le compte rendu de cette audience dès le début de ce journal. Alors que l'organisation de l'événement Miss Burundi pour cette année vient d'être lancée, le constat est que cette manifestation culturelle édition 2017 a été émaillé de beaucoup d'irrégularités. Vous en saurez davantage dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonjour, je venais de vous le dire, la perpétuité, c'est la peine requise par le tribunal de grande instance de Gitega contre deux militaires qui travaillaient à la position de Mutoyi de la commune de Bugendana. Nous sommes en province de Gitega. Ils ont tué un homme du nom d'Evariste Ngenzi. C'était ce mercredi, dans un procès de flagrance, une femme accusée de complicité dans ce crime a été condamnée à 20 ans de prison ferme. Les trois condamnés vont également payer 15 millions de francs burundais pour dédommagement à la femme du défunt, comme l'a exigé le tribunal. Cependant, les deux militaires et leurs avocats disent qu'il s'agissait d'une légitime défense. Le compte rendu de cette audience avec notre correspondant, Arthur Kavabouchi. Cette audience publique qui a connu la participation d'une grande foule, y compris les administratifs de la province d'Itega, a duré près de 6 heures. Visiblement, après l'audition des poursuivis, le tribunal de grande instance de Gitega, chambre criminelle, a requis la perpétuité pour Ndabahagamé, Jean-Gier et Wimbabazi, Jonas, pour avoir assassiné Ngenzi Evariste, président des partis au pouvoir sur la colline Mutoyi. L'officier du ministère public a indiqué que le défunt était avec ses amis dans une maison et qu'ils leur ont intimé l'ordre de se coucher par terre et qu'ils ont tiré à bout portant sur Ngenzi 16 balles égales à 16 douilles qu'il a montrées comme preuve à la cour. Ces militaires ont nié cet argument et ont dit qu'ils ont croisé Ngenzi et ses amis pendant la nuit et qu'il avait une arme. Ils lui ont tiré dessus car lui-même allait les tuer et donc ils ont parlé de légitime défense. La cour leur a demandé de présenter comme preuve l'arme, mais ne l'avait pas. Quant à Naonangwa Sabine, accusée de complicité dans son meurtre, a été accusée par Naïshaki et Charles, chef de zone de Mutoyi, d'avoir dressé une liste de ceux qui seront tués, y compris lui-même. Cette femme a écopé 20 ans de prison. Les avocats de la défense ont demandé à la cour de ne pas donner la valeur à cette liste qui n'a pas été présentée comme preuve à la cour. Sachez que les condamnés doivent dédommager la veuve d'Ngenzi Evariste en payant 15 millions de francs bou. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Et 40 familles du quartier Gassengui de la commune Moutimouzi en province de Bujumbura réclament toujours des indemnisations sur leurs maisons détruites et leurs propriétés de là où était en train d'être érigé le palais présidentiel, le nouveau. Ce jeudi, ceux qui représentent ces familles ont de nouveau observé en sit-in devant les bureaux de ministres en charge de l'environnement. Ils étaient venus réclamer des papiers d'attribution des parcelles leur promises dans le site de Maranvia. Les détails dans son reportage d'Evariste Nzikobanyanga. Rassemblés devant les bureaux du ministère en charge de l'environnement, ils ne réclament que les titres d'attribution de parcelles, leur promise à Maranvia, mais sans succès. Cet homme fait partie de ceux qui ont observé le sit-in. Il y avait lancement officiel de la distribution de ces parcelles. Nous nous sommes présentés dans le milieu de Maranvia. On nous a donné des documents et les documents, on les a pris encore afin qu'on puisse les signer, c'est ce qu'on nous disait. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore accepté de nous donner les parcelles. Et la fois passée, on nous a appelés pour qu'on puisse se rendre là-bas et nous attribuer des parcelles malheureusement. Je dirais presque qu'il y avait une mauvaise communication entre le ministère et le gouverneur de la province de Bujumbura, puisqu'on disait qu'on a stoppé l'activité d'attribuer les parcelles. Si on essaie de voir ce qu'on est en train de faire, il y a un genre de piège qu'on est en train de mettre devant nous. Ce mouvement a été observé après que le 18 janvier de cette année, le ministre en charge de l'environnement, accompagné par les cadres de son ministère chargé d'attribuer des parcelles, ait effectué une descente sur le site de Maranza pour montrer ses parcelles à ceux-là qui revendiquent aujourd'hui. À part ça, les anciens habitants d'Ogassène réclament des indemnisations pour leurs maisons en dur détruites au cours du mois d'avril, l'an 2017. À ce qui est à rapport donc à l'indemnisation, nous attendons jusqu'à maintenant. Nous ne savons pas aussi combien on va nous faire, puisque avant qu'on détruise nos maisons, il faudrait qu'on commence à dresser une liste et faire le devis, nous dire qu'on va nous donner tel montant. Et jusqu'à maintenant, nous ne savons pas aucune chose en rapport avec nos maisons. Comme le gouvernement qui est notre père de la nation, ça serait mieux de pouvoir gérer la chose telle qu'elle est. Au sein du ministère de l'Environnement, l'on nous a renvoyé chez le porte-parole. L'on n'a pas trouvé Omer Nyonguru, que ce soit à son bureau ou sur son téléphone mobile, pour qu'il nous donne des précisions à ce sujet. Évariste Nzikobanyanga, il n'est pas facile de quitter la vie de rue, mais c'est tout à fait possible. En certains, c'est cela, Sinyabenda a mené cette vie à son enfance pendant au moins 5 ans depuis la crise de 1993. Mais il est pour le moment directeur technique de l'ONG locale Griouja au centre Football Hall for Hope de Kabondo, en mairie de Bujumbura. Il rassure pouvoir servir d'exemple à d'autres jeunes ou enfants de la rue. Pour lui, le passé est passé. La vie dans la rue, je dirais une vie dure, parce que c'est une vie où tu n'as pas accès aux services de base. C'est notamment, tu n'as pas accès à l'éducation, tu n'as pas accès aux soins de santé, tu n'as pas accès au logement, à la nourriture. Donc dans la rue, je dirais tout court que les droits de l'enfant sont bafoués. Et c'est une vie que je dirais qui est dure à mener, où il y a beaucoup de choses, il y a le trauma, il y a les intempéries de la nature, il y a la consommation de stupéfiants. Donc au fur et à mesure que tu grandis dans la rue, c'est aussi au fur et à mesure que tu développes des compétences de survie, notamment le vol, à la consommation des stupéfiants, à la consommation des boissons prohibées. Étant dans la rue, tu consommes les stupéfiants pour lutter aussi contre les moustiques et les intempéries de la nature. Vous avez été enfant de la rue à partir de quand, à quel âge? Je suis arrivé en ville à l'âge de 4 ans, si tu veux. Je fréquentais déjà la ville de Bujumbura. Avec la crise sociopolitique, il y a eu le déplacement massif de la population. Le lien que j'avais avec mes parents s'est écrasé. Donc je me suis retrouvé dans la rue, vivre dans la rue pendant 4 ans, 5 ans, mais on a saisi juste les opportunités et on a été dans le centre d'accueil maintenant, on est ce qu'on est. Le coordinateur national maintenant de Griouja, il nous a aidé à quitter la rue et on a vécu dans le centre d'accueil de Terre des Hommes et après on a retourné à l'école. Et toutes les formations que j'ai eues, je les ai exploitées. Pour moi, aider un enfant de la rue, c'est une vocation. Parce que c'est une vie que j'ai connue. Travailler avec les enfants de la rue, pour moi, c'est une vocation. Je me sens bien, je me sens à l'aise. Je leur montre que même s'ils sont maintenant dans la rue, demain, ils peuvent devenir des personnes utiles pour la communauté, utiles pour leur pays, le Burundi. Voilà, c'était le témoignage de Wenceslas Nyabenda qui a quitté la rue. Le secteur touristique du monde y a encore un pas à franchir pour qu'il soit développé si on le compare à celui des autres pays voisins. C'est ce qu'a reconnu ce jeudi Leonidas Sabonimana, directeur général du secteur de l'hôtellerie et du tourisme au Burundi, au cours d'une réunion d'échange sur la promotion de ce secteur. Il appelle les opérateurs à conjuguer leurs efforts pour que le sommet du COMESA, prévu en juin prochain, soit une opportunité pour développer le secteur touristique du Burundi. Suivez-le, il est au micro de Gertrude Mawenayo. Nous avons organisé la présente réunion avec les opérateurs du secteur hôtelier afin de, un, écouter ce qu'ils ont, connaître exactement l'état des lieux du secteur, mais également pour dégager des recommandations susceptibles d'influencer positivement les préparatifs du 20e sommet du COMESA qui aura lieu au Burundi au mois de juin. C'est extrêmement important puisque autour de 1000 personnes viennent au Burundi. Et ces 1000 personnes doivent être logées, doivent être nourries, doivent être déplacées, doivent communiquer, doivent visiter le pays. Nous devons être à même de leur réserver un accueil digne du Burundi, mais également pour que leur passage puisse avoir un impact financier sur le pays. Le Burundi doit réaliser que l'image qu'il envoie à l'extérieur, mais également à l'intérieur du pays, influe sur le flux des touristes au Burundi. Et ce que nous devons faire, nous devons changer de langage sur notre pays et transcender nos différences et parler du Burundi tel qu'il est. Quand on écoute un peu les étrangers qui viennent dans ce pays et qui nous disent ce qu'ils ont enduré avant de venir, après avoir visité le pays, ils vous disent, ils sont vraiment étonnés de l'opinion que nous avons créée sur notre pays, alors qu'il est tout beau, plein de potentialités. En réalité, vous pouvez aménager des sites, vous pouvez bâtir des infrastructures, comme vous les voyez aujourd'hui. Mais si nous ne changeons pas le langage, les gens ne viendront pas. Nous allons investir, mais le retour sur investissement ne sera pas fait dans les délais escomptés à cause de nous-mêmes qui détruisons nos propres investissements. Et quel appel pouvez-vous lancer aux opérateurs du secteur touristique actuellement ? Préparez-vous comme il faut pour le sommet COMESA. Le 20e sommet du COMESA constitue une opportunité de faire des fonds. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 49 personnes ont perdu la vie dans des catastrophes naturelles depuis le début des fortes pluies de l'an passé. Le bilan est dressé par le directeur de la brigade de protection civile au centre de la police. Antoine Nemako dit qu'ils sont confrontés à de nombreux défis liés au manque de moyens financiers et matériels. Il demande au gouvernement de prévoir dans le budget annuel des fonds alloués à ce secteur. Antoine Nemako le dit au moment où le monde célèbre aujourd'hui la journée de la protection civile. Suivez-le. Les victimes suite au changement climatique ont été nombreuses depuis le début des pluies de la période culturelle 2017-2018. On déplore déjà 49 décès et un millier de maisons détruites et des écoles endommagées. On déplore également plus de 14 000 hectares de champs qui ont été endommagés ou emportés par les eaux. Les défis sont liés aux moyens. Partons par exemple de la lutte contre les incendies. Donc, on a un manque criant de moyens pour intervenir dans la lutte contre les incendies. Et parlons des camions par exemple. Les camions anti-incendie, on n'en dispose pas assez. Il y a certaines provinces même qui n'ont aucun camion. Les camions qui se trouvent même à Bujumbura ne sont pas tellement adaptés. Voilà, il y a des buildings qui s'érigent en ville de Bujumbura. Des buildings très hauts, donc on a besoin de camions à échelle pour pouvoir intervenir. Autre chose dans ce domaine, il faut des tenues de feu pour que si jamais il y a des gens qui crient au secours, on puisse entrer dedans dans le feu et porter secours. Au niveau des secours maritimes, je parle des cas qui viennent d'arriver dans le Tanganyika, on n'a pas les moyens pour des embarcations maritimes pour pouvoir porter secours. Voilà donc, le défi, c'est par rapport aux moyens. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est le renforcement des capacités, sur tous les plans, techniques, matériels, pas de formation. Donc, équiper la protection civile pour qu'ils puissent intervenir rapidement, porter assistance à temps avec les moyens qu'il faut. Renforcement des capacités en formation. On n'a pas de spécialistes. Donc, quelqu'un a parlé, il m'a posé la question, de quoi ça dit quand vous parlez de la gestion des dépôts mortels, par exemple. Donc, il faut que maintenant, le gouvernement oriente des formations pour la médecine légiste, par exemple. Donc, on a ce secteur, on avait compris qu'en cas de situation d'urgence, en cas de catastrophe, quand il y a afflux massif de cadavres, il faut au moins qu'on puisse gérer ces cadavres de façon efficace pour qu'au moins les siens, plus tard, puissent au moins être soulagés psychologiquement. Antoine Nemako, en charge de la protection civile à la police nationale. Les détenteurs de diplômes D6 et D7 et qui désirent être employés dans la direction provinciale de l'enseignement à Bururi se lamentent que leurs dossiers ne sont pas reçus. Firmin Wuchumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, dit que les 30 enseignants qui prestaient bénévolement depuis 2015 sont ceux-là que le ministère de tutelle a priorisé. Jean-Pierre Misago. Aucun dossier des détenteurs des diplômes de D6 et D7 qui cherchent de l'emploi dans la direction provinciale de l'enseignement à Bururi n'a été reçu depuis le 26 février dernier, date de début de dépôt des dossiers aux enseignants chômeurs qui désirent être employés dans les écoles fondamentales et postes fondamentales du Burundi. Les concernés disent ne pas comprendre le rejet de leur dossier alors qu'ils sont parmi les 1000 enseignants que la Commission nationale de recrutement veut engager selon son avis d'appel d'offres d'emploi du 23 février dernier. Jérémie Bouchoumi, directeur provincial de l'enseignement à Bururi, n'y va pas par quatre chemins. Selon lui, aucun détenteur du diplôme de D6 ou D7 n'est recevable dans cette province, du moins selon le plan de recrutement en vigueur pour cette province et pour cette catégorie d'enseignants. Jérémie Bouchoumi les conseille plutôt à aller déposer leur dossier ailleurs, car les 30 enseignants de ces niveaux que le ministère a accordé à cette province correspondent exactement à ceux qui prestaient bénévolement dans les communes de Vianda et Mugamba, et cela depuis près de 3 ans, à cause du retard dans la transmission de leur dossier, des enseignants bénévoles que le ministère a donc privilégié. Jean-Pierre Misago depuis Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. On reste dans cette région pour redire qu'un climat malsain règne entre membres du CNDD et les Imbonerakure de la colline Minago en commune Rumonge. C'est après le vol d'un drapeau du parti CNDD sur cette colline la nuit de ce mardi à mercredi par des inconnus. Des soupçons ont été dirigés contre des Imbonerakure de la localité sur base d'un message ce mardi du chef des jeunes du CNDD-FDD, représentant zonal du CNDD qui voulait que ce drapeau soit enlevé. Eli Lusoya, chef de zone Minago, de qui émanerait ce message, le nie catégoriquement et appelle à la retenue en précisant que ce n'est pas le drapeau qui attire les membres. Et 5 personnes ont été blessées ce mercredi sur la colline Bunyangé de la commune Rusaka et plusieurs cultures, essentiellement le haricot, ont été endommagées par la grêle sur les collines Kirambierguinare de cette commune. C'était au cours d'une pluie intense. Bernardine Nduimana, administrateur de la commune Rusaka, demande aux bienfaiteurs de venir en aide à ces populations qui venaient juste de semer le haricot pour la saison culturelle B. Et les travaux de réhabilitation du terrain synthétique au stade Prince-Louis-Rouaga-Soré sont en cours depuis ce jeudi 1er mars. Le deuxième vice-président de la Fédération de football du Burundi, FFB, affirme que ce nouveau terrain devra être conforme aux normes de la Fédération internationale de football, FIFA. Mustapha Samugawo ajoute aussi que la FFB, en collaboration avec la mairie de Bujumbura, ont en projet de réhabiliter le stade tout entier. Les matchs qui se jouaient sur ce terrain seront transférés dans les différents terrains durant la période que dureront ces travaux. Écoutez Mustapha Samugawa, il a été joint au téléphone par Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Bon, normalement, les travaux sont prévus pour durer 3 à 4 mois et que l'entreprise a gagné le marché nous assure que les travaux vont se terminer dans les délais convenus. Quelle est la différence entre le terrain synthétique qui se trouvait là-bas auparavant et l'autre qui sera érigé? L'avantage, c'est que vous avez constaté que d'anciennes pelouses faisaient que les eaux stagnent. Alors, on a demandé à la FIFA de nous appuyer pour qu'on puisse rectifier ce problème. Normalement, la durée d'une pelouse synthétique, c'est 8 à 10 ans. Comprenez que la nôtre, qui vient de dire 11 ans, a pris certainement beaucoup de temps. Heureusement, on a demandé à la FIFA d'accepter de financer ce projet. On croit que les conditions d'utilisation du terrain vont quand même s'améliorer et le jeu pourra justement s'améliorer. Est-ce que ça sera la réhabilitation de la pelouse seulement ou bien même le stade tout entier sera réhabilité? Bon, normalement, la FIFA finance la réhabilitation des aires de jeu, c'est-à-dire aires de jeu terrain synthétique, terrain artificiel. Le président de la fédération est en contact avec les autres partenaires, que ce soit la mairie, que ce soit les hautes autorités du pays, pour pouvoir sensibiliser. Bon, ils sont en train justement de réfléchir et on croit qu'ils vont quand même essayer de se pencher sur la question et pouvoir trouver une solution. Heureusement que même la fédération a promis d'apporter son soutien au projet. Quels sont les terrains qui vont accueillir les matchs qui sont joués au stade Prince-Louis-Rouaga-Soré au moment de la réhabilitation de ce stade? On a réaménagé le calendrier, quitte à ce que tous les matchs qui étaient programmés au stade Prince-Louis-Rouaga-Soré soient pris ailleurs, par exemple au stade de Buganda, au stade de Gitega. Le chargé de la compétition a déjà envoyé le calendrier de travail, quitte à ce que tous les matchs qui étaient programmés ne s'arrêtent pas. Mustapha Samugawo, deuxième vice-président à la Fédération de football du Burundi, FFB. Et pour boucler ce journal, je vous l'avais dit en titre, l'organisation de l'événement Miss Burundi 2017 a été caractérisée par des irrégularités. L'organisation Burundi Events, exploitant cet événement, n'a pas donné les prix qui étaient prévus dès le début de cette compétition. Ce mercredi, il a été lancé la nouvelle édition de Miss Burundi, comptant pour l'année 2018. Elinibel Nibigira. En date du 7 mars 2017, au cours d'une conférence de presse, a été lancé officiellement l'événement Miss Burundi 2017. L'organisation Burundi Event, qui a la licence d'exploitation de cet événement pour un mandat de 5 ans, avait brandi une affiche sur laquelle la gagnante allait avoir une voiture neuve de marque Allion d'une valeur comprise entre 18 et 20 millions de francs burundais. Ces deux dauphines, quant à elles, allaient toucher respectivement 1 500 000 et 1 million. À côté de ces prix, 3 tickets d'avion allaient être accordés à ces 3 filles pour une destination de l'un des pays de la communauté est-africaine. Le 23 juillet 2017, ont été connus les 3 noms des gagnantes de cette compétition. Contre toute attente, comme on peut le lire dans le contrat d'engagement entre Burundi Event et les 3 filles élues, ce qui apparaît sur l'affiche a changé dans le contrat d'engagement. La Miss Burundi 2017 a obtenu une voiture de marque Vite, déjà utilisée, et ses deux dauphines ont empoché le montant qui était prévu. Depuis ce temps, les 3 tickets d'avion qui étaient prévus d'Afra Airways sont toujours attendus. De plus, la Miss Burundi 2017 qui a été élue 200 000 francs burundais par mois, compte tenu des réalisations publicitaires pour le compte de Smart Mobile. Cela étant, ce mercredi 28 février, l'organisation Burundi Event a procédé au lancement officiel de l'édition 2018 de Miss Burundi, à la clé une voiture de marque Ractus et une propriété de 4 arts en province Gitega. Merci Nibel. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à François Akimana pour la mise en onde au micro Jean-Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée à l'écoute de nos programmes.